pas de ces moments passés ensemble qu'on a kiffé. La complicité qu'on avait tous les deux n'était pas banale. Rappelle-toi de la promesse qu'on s'était faite sur ce baiser. Ce qu'on est devenu me touchait, m'attriste et me fait mal. Ce qu'il reste de notre histoire est souvent, car en nous, oui, j'ai espoir. Mes paroles, tu peux y croire. Sauvons, sauvons, sauvons.